pas te faire ou à bouleverser. C'est parce que vous aimez pas le travail. Si toutefois, demain, on vit je nous dire. Si toutefois demain on vit jouer nos diables, wawa qui j'en, wapé bin millionnaire. Ma chère, vous faites pour récompenser. Ça te fait ça, moi perds du temps vert. Pour pas faire, pour rendre moi ingratitude. Parce que moi prends patience à faire. Pour pas faire, pour rendre moi ingratitude. Parce que moi prends patience à faire. Ma chère, moi m'en fous de toutes choses. Ou a fini, ou à la de coups de bâton. Ça te fait ça, moi laissez au beau jouer nous là. Fais tout s'enveler, nous jouons à jouer le bonheur. Ça te fait ça, moi laissez au beau jouer nous là. Fais tout s'enveler, nous jouons à jouer le bonheur. Va décourager, faut qu'on prenne plaisir. Va décourager, faut qu'on prenne plaisir. Yo jour à chita, wa réfléchir, wa wa kotoye. Yo jour à chita, wa réfléchir, wa wa kotoye. Shit.